Thank you. Thank you. Was a creep. Please don't do it. We're gonna be stuck. We're gonna be stuck with some. Go on. Go on, my friend. I'll try to do my stuff, my new stuff, my crazy beat stuff. The stuff I don't know what it's going to do. Let's try some new. J'adore, moi. Lynchburg, Tennessee. Pour moi, ça. Invoque le monde des contes cruels, des contes humains, les cycles de la vie, les dominations, les grands, les petits, les tous ordres. Une histoire, il était une fois, très longtemps, mais pas tellement longtemps. Finalement, c'est pas fini. Il était une fois une personne seule. Pour moult raisons, on ne dira pas pourquoi. Mais l'homme d'Adam, cette personne se sent seule. Comme explorant une forêt noire, ne sachant plus où aller, ne sachant plus à quelqu'un se fier. Heureusement, l'instant, la réflexion, l'expérience, petite expérience, sans artefact, l'instant, la réflexion, l'acte, c'est qui l'instant, qui veut voyager la loin, ménage sa monture, donc sans je artefact, dois... l'instant. L'intention, l'intensité sans objet. Qui veut voyager loin doit ménager sa monture. D'accord, mais je peux, je dois. J'espère que t'enregistres, mon gars. Car c'était une croix. Je dois, dans le sud-ouest, avancer, non. Yeah. Je n'enregistre you need to pas ça, me. Je n'ai pas ta commande sur Ninjam pour lancer. Once upon a time in the sud-ouest of France, dans le Piémont des Pyrénées. Oh. Il était des fois, il passait des fois, parfois, de drôles de choses dans la tête des gens. Comme partout, on sait maintenant, de drôles de choses, des histoires qui remontent, comme les contes, qui sont pas de fées. Plutôt aux faits, de faits divers, sordides. Moi j'aime vraiment bien ça, truc, moi j'aime vraiment bien me divertir, faire diversion, plonger dans ma passion. Moi j'aime vraiment bien ce truc, il me fait partir. C'est comme ça, pouvoir parler dans l'inconnu, dérouler des contrées magiques. Il était une fois, once upon a time in the sud-west, there was two guys who tried to make noise. Once upon a time in the sud-west, there was two guys, two machines. Il était une fois, ça dépend des contrées, mais les contes racontent des choses qui sont passées plein de fois. Moi j'aime beaucoup, comme par hasard. Oh, moi j'aime, comme par hasard. C'est daté, situé. Les circonstances, tout un endroit, un système. Je sais pas dire, mais super. L'important c'est pas la chute, la dérive. Il était une fois, sud ouais. Yay Polka, yes. Oh Polka. Oh you're the new Polka. Come on, come on, come on. Everybody. Oh Polka. Car moi j'aime quand t'es là. To love again. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody. To love. On the promise. We got a move. I'm shooting a cake. So heaven a day. Lady. My friend, my why you? Close to your friend with the yarn when you're close to your friend. Once upon a time, oh yarn and polka. Two guys who want to make noise. We put the dot on the eye. Polka. Try the pie. Nine. I'm well done. Boy, you got a son. I got some blood on me. I do make that. I love some music. I love you. Cut at you. Why can't I hear you? Punk out, what? Why can't I hear you? Yeah, why can't I hear you? Polka, why can't I hear you? Polka, le piémont pyrénéen. Hey, yeah. Le feu, les montagnes. La forêt. Les rivières. Oh, yeah, we make the flow. The river, the flame. Sumo.